Saint-Pierre-des-Corps, de Laetitia Bianchi, avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Deuxième épisode. Ne remarquez-vous rien ? C'est toujours la même bordure, c'est toujours le même éloignement, c'est toujours le même quai, c'est toujours la même gare. C'est le monde des idées ferroviaires qui flottent dans une diction parfaite et désincarnée. Avant, on pouvait entendre des hommes parler. Le TGV va être en gare. Je vous demanderai, messieurs, dames, de vous éloigner de la bordure du quai. Ah, le chef de gare du Paris-Marseille. Souvenez-vous ? Non, vous ne vous souvenez plus. Je ne me souviens plus. Personne ne se souvient. Oubliez. Oubliez les voix des chefs de gare, oubliez les accents régionaux, oubliez la voix enrouée du conducteur du train ce jour-là, oubliez celui qui faisait toujours des jeux de mots. Le progrès est là, susurrant le réel de sa voix suave à qui veut l'entendre. Et pourtant, il paraît qu'il y a une gare, quelque part en France, qui résiste. Monsieur Jacques Prudhomme ? Ouais, bonjour, c'est moi. Enchanté, Aurélien Dubreuil, responsable technico-commercial concaténation secteur sud-ouest. Donc Marc me disait qu'il y avait un petit souci avec la satisfaction usagée du fait que le logiciel d'annonce préenregistré n'a toujours pas été validé pour l'année en cours. Ah oui, mais non, on l'a pas le logiciel. Et comment procédez-vous alors ? J'appelle le centre, et c'est moi qui annonce quand le train arrive, voilà. Ouais, les dinosaures quoi. Bon, donc au sein du process de rationalisation de l'ensemble du réseau, vous n'êtes pas sans savoir que même pour les plus petites communes desservies en France, la mise en place de la concaténation est obligatoire. La conca quoi ? La concaténation. La contaquénation ? Non, la conca. Mais précisément, on va prendre cet exemple. Prenons le mot concaténation. Bon, la première fois, je vous l'accorde, on a toujours du mal à le dire. C'est un mot technique, hein. Eh bien, imaginez qu'au micro, vous ayez besoin de dire concaténation. Impossible. Alors que si vous avez le logiciel, vous enregistrez le mot « con », le mot « caté », le mot « nation » et c'est bon. La machine fait le boulot. Et ça pourra vous dire ce que vous voulez. « Caté con nation »,« nation con » ou si besoin est, « concaténation ». Pour annoncer le train 9412, c'est pareil. On enregistre d'abord le 9000, puis le 400, puis le 12. Les grandes théories de la linguistique alliées aux prouesses informatiques de notre siècle, c'est ça, concrètement, la concaténation. Ouais, moi j'ai plutôt entendu des trucs du genre « Ce train partira à 14h02 » ou bien « Le TGV numéro 4000, clic, 500, clic, 40, clic, 2, clic, 20, clic, entrée, clic, hangar, clic ». Je les entends, moi, les conneries de silence informatique entre les mots. Évidemment, monsieur Prudhomme, évidemment, mais c'était avant, ça. Aujourd'hui, l'illusion frôle la perfection. Si les voix de la gare ont des lettres, l'ordinateur, il met les lettres. S'il y a des numéros, il te met les bons numéros. Il faut que vous saisissiez le process, monsieur Prudhomme. Les bases de données peuvent accueillir, non pas des centaines, mais des milliers de mots. Et la combinatoire mathématique, car ce sont des calculs très très compliqués qui nous dépassent vous et moi et qui permettent, comment dire, à chaque annonce sonore d'être mathématiquement reliée à l'information qui fera que c'est le bon, je dis bien, le bon numéro de quai qui... Moi aussi je mets le bon numéro de quai. Oui, mais là vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton et hop. Et qui c'est qui va parler ? C'est moi ? Ah non, monsieur Prudhomme, non. Ce n'est pas moi qui vous apprendrai que nous n'avons qu'une voix au chemin de fer. Notre chère Simone. Ouais, c'est ça le problème, justement. Ouais, moi, j'en peux plus, moi, là, de vous. Monsieur Prudhomme, laissez-moi vous dire une chose. Vous connaissez le Caire ? Eh bien, le Caire, cette ville millénaire du Caire, cette culture qui a construit les grandes pyramides et le Sphinx. Eh bien, l'aéroport du Caire vient de faire appel au savoir-faire français de concaténation de la SNCF. Dans l'aéroport du Caire, c'est notre logiciel de de fabrication de phrases, si vous voulez, qui fait que les passagers français se rendent au bon terminal, à la bonne aérogare, au bon tout. Et nous sommes en passe de vendre à Bahreïn notre savoir-faire exceptionnel. C'est Simone qui guide les gens au Caire et à Bahreïn. Et c'est Simone qui doit les guider chez vous aussi, ici, sur ce quai. Donc votre idée, c'est qu'il y a une seule voie dans le monde entier, si je vous comprends bien. Écoutez, Jacques, soyez en phase avec votre époque. Savez-vous comment ça se passe, là, dans les pays où la concaténation n'existe pas encore ? Savez-vous dans quel état de désespoir se trouvent nos voisins suisses ? On m'a fait un petit topo sur la question au bureau, je m'en sers pour convaincre nos clients étrangers. Voici ce que signalent les forums d'amateurs de train, je cite « La voix du train Chamonix-Saint-Gervais est outrageusement érotique ». dans le canton de Berne. Je cite. On dirait que les annonces sont faites à un dîner présidentiel. Est-ce cela que vous voulez? Osciller entre l'austérité présidentielle et l'érotisme? Non, monsieur Prudhomme, non. En ces temps de crise, l'homme, et a fortiori l'oreille de l'homme, a besoin d'éléments stables. Que faire de l'Alsacien annonçant avec son accent la gare de Biarritz? Et qui choisit l'accent alors, hein? C'est vous? Nous avons pensé à tout, monsieur Prudhomme. La tâche est ardue mais exaltante. Il y a tant de noms de villes alambiquées, il y a tant de différences de prononciation. Alors nous essayons d'aller à la source pour trouver la solution. Pour trouver le non-accent de la concaténation. Vous voyez le présentateur télé? C'est la même chose. Ni blanc, ni noir, ni trop ci, ni trop ça, beau, suave et transparent, en un mot, moderne. Ça n'est pas toujours simple, je vous l'accorde, et pourtant nous y arrivons. Nous arrivons à faire oublier aux hommes les intonations des hommes. Nous servons le monde des concepts et des idées, Jacques. Nous servons la justice. La concaténation seule peut distiller dans les oreilles des hommes civilisés que nous sommes des bruits identiques chaque jour, des intonations ne variant pas d'un millimètre, des virgules toujours placées au même endroit. La concaténation seule peut faire que l'identité sonore des transports du monde entier soit libre et égale. La concaténation seule permet à chaque homme de se mouvoir dans une grande bulle de douceur enveloppée dans la voix sécurisante et apaisante de Simone, sainte patronne de tous les voyageurs. Le ton de ces annonces a été, est et sera toujours le même. Pas de stress, pas de tension. Faites confiance au futur, monsieur Prudhomme. Imaginez cette société où toutes les voix seront concaténées, synthétisées, numérisées, et où l'homme sera déchargé de cette tâche inutile entre toutes, la parole. C'était Saint-Pierre-des-Corps, de Laetitia Bianchi. Deuxième épisode, avec Yves Pignot, Nina Palomapoli, Valran de Normandie et la voix de Bruno Martin. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Laure Egoroff.